et c'est chiant. La musique, c'est chiant? Non, je sais pas. C'est ton goût, hein, parce que franchement, ouais, personnellement, moi, mon goût est différent du tien. Tu vois, j'écoute de tout, mais je trouve ça chiant quand même. Moi, j'aime pas. Bon, c'est vrai que c'est un rien chiant, quoi. Un mais rien j'écoute chiant. De tout, sinon. Ouais, mais voilà quoi. Enfin, les qualités intrinsèques à ce dépositoire, comme suppositoire, nous fait supposer que l'incantation reste justement incantatoire. Un temps nommé et un temps développé. En parlant de développement, merci, je vous en prie. Hein. Merci, vous êtes trop bon pour moi. Vous êtes trop bon pour moi. Allez, on va développer un peu autre chose maintenant. On va développer l'amour, pas de la musique, mais l'amour du bruit. On va commencer par faire semblant que c'est de la musique, le bruit, et après on va commencer à faire du bruit peut-être. Quelle différence, ce n'est pas une douce mélodie que tu entends si suave à tes oreilles, non. Et que les autres perçoivent, oui les autres, oui autrui, oui la différence. Je ne sais pas. C'est une façon différente, plus agressive, sans doute plus redoutable. On voit où le buffle se situe sous mon cul. C'est là où la différence subsiste. Pourtant, toujours des méditatoires. Incantation. Tu parles de ton signe astrologique, c'est ça? Des chèvres ascendant métal. Ouais, mais je suis pas buffle, quoi. Je parlais pas de ça. Ah, sanglier. Non, non plus, buffle. Ah, pardon. Non, je parlais de mon maître de tous les temps, de la voix. Maître... Tu es la voix. Lao Tse. Qui lui-même est assis sur un buffle, serein. Mais Lao Tse, il chie tous les matins. Ouais, il pue pas la rose, hein, quand il chie. Là. L'excrément divin, aussi divin soit-il, si des noises s'allonge de la même manière dans le lit de la rivière. Si ce sont des noises que nous cherchons, nous pouvons la trouver, la solution. Et la noise, justement. La noise. Ah, ah, en France, ici, vive la France libre. Vive la France libre. Les noises. Qui cherche des noises dans la vie? Qui cherche des noises dans la vie? Les pauvres cons. C'est bien connu. Cut, cut, cut. Les pauvres. C'est connu, ils sont cons. C'est bien connu. Et c'est la douce France qui travaille 35 heures par semaine. Casse-toi, pauvre riche. Nous cotisons ensemble pour un avenir meilleur. Ça s'entend que je souris, non? Ça s'entend que je souris. Je souris comme ça. Appel. Tu vois, je me prends les deux index là. En même temps, on veut que tu souris. Je les mets dans la bouche comme ça. On veut que tu évoques. Je tire. Regarde, tu vas faire une fistule. Une fissure, si tu veux. Mais ce que je voulais dire, c'était que, ouais, carrément, mais on veut que tu souris. On veut que les gens soient contents de t'entendre. Dire, je sais pas, moi, des noises, par exemple. On peut quand même faire de l'ordi, quoi, je sais. Sans la souris, on peut quand même ordifier. passage, une chef de file, une figure, est décédée il n'y a pas si longtemps. Donc je vous le rappelle, tant que je serai en deuil, ben, je le dirai. Marco, un catharsis, est mort. Qu'en dire, c'est triste, c'est sûr, mais de Marco, peut-être que son silence était bien plus prégnant que sa parole, mais sa présence, elle, ne peuvent toujours pas entrechoquer, n'effacer inaccessible comme tergiversation grotesque, rien, mais pas tout à fait. Sauf le doute, justement, sur sa personne, intègre, sûrement, qu'importe, en tout cas, Marco, à bientôt, j'ai pas besoin de l'espérer. Et là, l'as du questionnement, la foire débarque sur un travers de tableau, doré alors finement, écaillé, la lame ne s'ébruite pas, mais pourtant la réassurance ne permet toujours pas, c'est histement. Et la catégorisation, virgule, aboutit pleinement. Une recatégorisation. Voilà. La possibilité est retravaillée. Voilà la route. Ainsi, les faits sont accompagnés de latence sur le terrain d'entente. De l'attente à maintenant. Il y a toujours, il y a, des fois ou pas. Nous retravaillons sur un sujet à rigoler. Nous, ce que l'on veut, c'est ça. Ainsi, la façonnance permet d'être astray. So I go on doing it over and over again. Everywhere they go on to be another one-time go. Ahead of time, the optional possibility is here, there, anywhere, especially elsewhere, so too bad. Well, everything okay. So here goes. Again, I believe. But where am I? Not here, but well, who knows? The recipe is within. And I know it's going on to be well developed. So as to say, within is where it all comes from and so forth. The delirium is going to help. Thank you.

make noise. Make noise. Make noise. Make noise. dégurgite sur ma face en le remangeant encore. Je mange le vomi des gens et je le dégurgite sur ma face en le remangeant encore. Gurgite sur ma face en le remangeant encore.

t'explique. Alors, il y a un de ses plans cul au mec, un de ses plans cul qui lui a laissé les clés au fond du tiroir à gauche. Et le gars avec son chien, et bien, il a récupéré l'appart avec les clés pleines de merde. Et on se demandait qui c'est qui avait fait ça. Bah, justement, je peux pas te dire, je sais pas trop en fait. Donc, à toi de trouver la solution. Le trésor est au fond du trou. Il a laissé les clés au fond du tiroir à gauche. Et le gars avec son chien, et bien, il a récupéré l'appart avec les clés pleines de merde. Et on se demandait qui c'est qui avait fait ça. Bah, justement, je peux pas te dire, je sais pas trop en fait. Donc, à toi de trouver la solution. Le trésor est au fond du trou. Les clés au fond du tiroir à gauche. Et le gars avec son chien, et bien, il a récupéré l'appart avec les clés pleines de merde. Et on se demandait qui c'est qui avait fait ça. Bah, justement, je peux pas te dire, je sais pas trop en fait. Donc, à toi de trouver la solution. Le trésor est au fond du trou. Ceux et celles qui ne savent pas dire de la merde, je me sacrifie ainsi. La merde, c'est beau parce que esthétiquement, que ce soit les, ça change pas grand-chose en fait. La merde, c'est joli parce que si c'était pas beau, et ben ça serait. Je me sacrifie. Le caca, c'est quelque chose qui sent fort. Et la merde, donc, c'est on s'y intéresse. Parce que esthétiquement, les fientes de guano, de chauve-souris mexicaines sont bien connues pour leur contenance de phosphore si c'était, et de magnésium. Et ben, le potassium, donc, est également émetteur de radioactivité. Donc ce soir, la météo, pour vous, en tergiversation, vous n'avez pas entendu la dernière solution. La dernière solution se trouve dans le panier d'osier à moitié fabriqué par un édenté qui, au bord du tiroir, je veux dire du trottoir, sur le coin du trottoir, avec un tiroir au bord des lèvres, vous n'avez pas au bord des lèvres un tiroir, ce premier art dans le panier d'osier, à moitié fabriqué, toujours à moitié fabriqué. Vous n'avez pas muté encore. Bon, ça se lève. Pas au bord des lèvres, un tiroir. Vous n'avez pas encore muté, vous n'avez pas muté encore que vous n'ayez pas encore muté. Bon, ça se lève.

c'est pas toi, c'est moi, putain, je pue de la schneck. Mais Ben, mais non, pas toi, l'autre Ben, putain, mais laissez tomber la communication quand il y a des problèmes. Lâchez l'affaire. Mais non, pas toi. Toi là-bas. Pas toi, toi. Messenger, vous êtes sur Messenger. Il n'y a plus d'espace. On est plein à craquer. Ça y est, il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace. On est plein à craquer. Thank you. bien, c'est comme ça que je suis, t'sais. Et toi, t'es comment? En fait, je me fais chier tout seul, j'aime bien, c'est comme ça que je suis, t'sais. Et toi, t'es comment? De la merde, y'a moyen.

Vas-y, ils peuvent aujourd'hui, les gens, les gens, les gens. Non, c'est pas possible, quoi. Trop tard. C'est comme ça. Oups. On a beau leur dire, ils s'en foutent, les gens. Qu'est-ce que c'est ? Sous le voile. Quelque chose de laid. Ils s'en branlent. Quelque chose de beau. Les gens, je les déteste. Cela miroite ? Cela a-t-il des seins ? Des contours ? La fois, ils étaient morts, que ça n'avait pas changé. Je suis sûr que c'est unique. Sûr que c'est exactement ce que je veux. Au fond du trou. Tranquille. Affairé. Puis ça se décale. Dans ma cuisine. Je sens cela qui m'observe. C'est là qu'on est décalqué. Cela qui pense. Est-ce que c'est décalé ? Debout. C'est pas tout dit encore. Devant le tableau noir, papa, sur la photo. C'est pas comme si c'était la que j'ai de toi. Encore et encore. Tu as le menton fendu. Indéfiniment. Au lieu du pied. Mais tu n'en es pas moins le démon pour autant. Infiniment. Pas moins celui qui a déchiré de ses dents. Tranché en deux mon petit cœur d'enfant fendu. J'avais 10 ans. Quand ils t'ont enterré. À 20 ans, j'ai voulu mourir pour te rejoindre. Joindre. Je croyais que mes os sauraient t'atteindre. De la défaveur. Toujours l'atteinte. Papa. Démaculé. Tu ne me vas pas, tu ne me vas plus, sous les noirs. Développé. Dans quoi j'ai vécu, comme un pied, depuis 30 ans. Pas blanche et démunie, démaculé. Dans la crainte de respirer. Tu ne me vas pas. Et d'éternuer, sous les noirs. Développé. Papa. Il a fallu que je te tue. Depuis tu es mort. Pas blanche et démunie, dans la crainte de respirer. Tu ne me vas pas. Et d'éternuer, sous les noirs. Papa. Il a fallu que je te tue. Depuis tu es mort. Blanche et démunie, dans la crainte de respirer. Et déterminée. Papa, il a fallu que je te tue. Tu es mort. Hey. Hey. Hey. Sorry. Sorry. Sorry. Je suis larmologue. Je suis celui qui examine les larmes des gens heureux et malheureux. Selon la forme et le diamètre des larmes, je peux prévenir l'avenir de ces personnes. Examine les larmes. Et si elles sont grosses, c'est que ça vient d'un gros chagrin. Et si elles sont minces, ça vient d'un mince destin. Et ensemble, ce petit océan qui se crée dans les ça vient lacrymale, limbe, liquide. Et ensemble, ce petit océan qui se crée. Je suis larmologue. J'analyse les larmes selon leur diamètre. Et ensemble, la façon dont elles coulent sur le visage. J'analyse les larmes selon leur diamètre. La salinité est un autre facteur sur le visage. J'analyse les larmes. Je ne prends pas en compte cela pour mon diagnostic. Je suis larmologue. Je suis larmologue. Pour mon diagnostic. Je suis larmologue. Je suis